35 observations, forme du présent de l'indicatif, première, deuxième et troisième personne du singulier. J'entre, tu entres, il entre, je sors, tu sors, il sort, je dis, tu dis, il dit, je peux, tu peux, il peut, je fais, tu fais, il fait, je connais, tu connais, il connaît, je viens, tu viens, il vient, je prends, tu prends, il prend. Notez que du point de vue de la prononciation, les trois personnes du singulier de ces verbes sont identiques. Cela est vrai du présent de l'indicatif de presque tous les verbes. Si vous savez dire une des trois personnes du singulier, eh bien vous pouvez dire les deux autres. Évidemment, aller, être et avoir sont des exceptions.